Tripoli. Tripoli, la ville, qu'il ne faut pas confondre avec la marine, située à une demi-heure au bord de la mer, est assise au pied du Liban qui la domine et l'enceinte de ses branches à l'est, au sud et au nord-ouest. Elle est séparée de la mer par une petite plaine triangulaire où serpente le Nahr el-Kadisha. La ville est entourée de vergers où l'on cultive le mûrier blanc pour la soie, le grenadier, le limonier et l'oranger pour leurs fruits, qui sont de la plus grande beauté. Avec sa verte ceinture d'arbres aux pommes d'or, Tripoli ressemble au fameux jardin des Hespérides tel que le figure la fable. Chaque maison a son jardin. Aussi la ville occupe-t-elle un espace considérable. Quelques quartiers sont dans la plaine, d'autres couvrent les flancs de la montagne en remontant le cours du Nahr el-Kadisha. De toutes parts, on trouve des sites délicieux. Les cafés ont des terrasses étagées que sillonnent des eaux vives et remplies d'arbustes et de fleurs. Tripoli a des maisons assez régulières, mais peu de monuments. Une église chrétienne et une petite mosquée sont les seuls édifices à citer, encore n'ont-ils rien de très remarquable. L'intérieur de la ville dénote une assez grande activité commerciale. J'ai remarqué beaucoup de turbans verts. C'est, m'a-t-on dit, le seul vestige de l'indépendance des Tripolitains et le signe de distinction des shérifs. Les visages semblent plus frais et plus pâles que dans les autres villes de Syrie. Faut-il l'attribuer aux fièvres épidémiques dues aux inondations que l'on pratique dans les jardins pour arroser les mûriers, et qui sont cause, dit Volney, que la santé n'y est qu'une convalescence? Bien que le climat de Tripoli soit plus sain que celui d'Alep et d'Alexandrette, je ne serais pas éloigné de penser que l'humidité de son territoire est la cause de cette pâleur chez ses habitants. Déjà, pendant mon séjour à Arles et dans la Camargue, j'avais pu observer à loisir l'étrange influence d'un climat humide et insalubre sur la population des villes voisines, et particulièrement sur la population féminine. Le lendemain, j'allais visiter le bazar, où j'achetais une magnifique éponge attenant à son rocher et pêchée dans la rade même de Tripoli. Je la payais 6 francs, et je doute que Guerlain puisse me vendre l'appareil à moins de 40 ou 50 francs. Le bazar ne m'offrant plus aucune curiosité remarquable, je me dirigeai vers la demeure de M. B. pour lui présenter ma lettre de recommandation. M. B. me reçut avec affabilité et se mit de suite à ma disposition. Le bonheur voulut qu'après une heure de conversation, nous nous trouvâmes possédés 3 ou 4 amis communs. Dès lors, en vertu du proverbe, M. B. m'invitait à déjeuner et j'acceptai sans cérémonie. Le repas fut servi par une femme qui avait conservé le costume national dans toute son intégrité. Un moment, au souvenir des hérésies de la cuisine orientale, je fus effrayé de ce costume. Je craignais que M. B. ne voulût trop sacrifier à la couleur locale, mais je fus agréablement soulagé à la vue d'une superbe truite au bleu accompagnée d'un poulet à la maringo et flanquée de 2 fioles sur lesquelles on lisait les noms respectables de Nuit et de Volney. M. B., qui avait joui de mon étonnement, voulut bien m'assurer que chez lui le cœur, comme la cuisine, était toujours français. La truite avait été pêchée dans le Nahr el-Kadisha, qui coule rapidement sur des couches de calcaire, 2 conditions essentielles à l'existence de ce poisson. Quant au vin de Bourgogne, il était compatriote de M. B., c'était un souvenir du pays. Après déjeuner, je fus admis à contempler un herbier composé de plantes nombreuses, pour la plupart inconnues, et sur lesquelles M. B. se propose de publier un ouvrage destiné à mettre au jour la flore de la Syrie, jusqu'à présent presque ignorée des savants d'Europe. En outre, M. B. me communiqua des notes sur une histoire des Ansariets, curieuse monographie d'un des peuples les plus curieux de la Syrie, et dont la plus grande partie se trouve répandue dans le Pachalik de Tripoli, depuis Otakié jusqu'au ruisseau Nahr el-Kébir ou Grande Rivière. Leur origine est un fait historique peu connu. On rapporte qu'en l'an des Grecs, 1202, soit 891 de Jésus-Christ, il y avait dans les environs de Koufa, au village de Nassar, un vieillard que ses jeûnes, ses prières assidues et sa pauvreté faisaient passer pour un saint. Plusieurs gens du peuple, s'étant déclarés ses partisans, il choisit parmi eux 12 sujets pour répandre sa doctrine. Mais le commandant du lieu, alarmé de ses mouvements, le fit mettre en prison. Dans ce revers, son état toucha une fille esclave du geôlier. Elle se proposa de le délivrer. Il se présenta bientôt une occasion qu'elle ne manqua pas de saisir. Un jour que le geôlier s'était couché ivre et dormait d'un profond sommeil, elle prit doucement les clés qu'il tenait sous son oreiller, et après avoir ouvert la porte au vieillard, elle les remit en place, sans que son maître s'en aperçût. Le lendemain, lorsque le geôlier vint pour visiter son prisonnier, il fut d'autant plus étonné de trouver le lieu vide qu'il ne vit aucune trace de violence. Il crut alors que le vieillard avait été délivré par un ange, et il s'empressa de répandre ce bruit pour éviter la répréhension qu'il méritait. De son côté, le vieillard raconta la même chose à ses disciples et se livra plus que jamais à la prédication de ses idées. Il écrivit même un livre où, se donnant pour prophète, il prescrivit la prière, abolit le jeûne du ramadan et la circoncision, proscrivit la bière en autorisant l'usage du vin et défendit de manger la viande des bêtes carnassières. Ce vieillard répandit en Syrie ses règles chez les gens de la campagne et du peuple qui devinrent ses disciples. Quelques années après, il disparut. Telle fut l'origine des Ansariens. Un siècle plus tard, les croisés, en marchant vers le Liban, en massacrèrent un grand nombre. Guillaume de Tyr, qui rapporte ce fait, les confond avec les assassins. Et en effet, entre les uns et les autres, il y avait quelques traits communs. Les Ansariens sont divisés en trois sectes qui sont les Chamsiers, adorateurs du soleil, les Kelbiers, adorateurs du chien, et les Kadmoussiers, qui auraient, dit-on, des assemblées nocturnes semblables à celles des anciens gnostiques. Les Ansariens sont demeurés distincts des Druzes, quoiqu'ils aient différents points de ressemblance avec eux, ce qui peut être la cause de la confusion qu'en a faite Gérard de Nerbal dans son voyage en Orient. Les uns croient à la métempsychose, d'autres rejettent le dogme de l'immortalité de l'âme, et dans cette anarchie religieuse, ils arrivent à ne suivre aucune secte. Leur pays est divisé en trois districts principaux administrés par des chefs appelés Mokadamine et qui relèvent du pacha de Tripoli. J'allais dans l'après-midi visiter la marine, nom générique donné dans les échelles du Levant et même en Italie, à tout faubourg servant de port à la ville. Les bâtiments des messageries slopent dans la courbe formée par l'anse de Tripoli et les îles des Lapins et des Pigeons, mais ces bâtiments y séjournent peu à cause du mauvais mouillage et des vents du nord-ouest qui, venant du golfe de Tarsou en Caramanie, soufflent une partie de l'année dans ces parages. La marine de Tripoli est un amas de maisons orientales occupées en grande partie par le commerce et qui s'étalent pittoresquement sur la grève avec leurs kiosques et leurs façades dépourvues d'ouverture. On y voit des débris d'habitations anciennes et quelques colonnes ensablées. Ces tours subsistent encore grâce à leur construction solide, depuis l'embouchure du Nahr el-Khadisha jusqu'à la marine. La première chose qui frappe les yeux à côté des oisifs accroupis fumant tranquillement le chibouk, c'est une multitude d'âniers qui viennent offrir des montures pour Tripoli. Une centaine d'ânes sont là qui attendent, et à peine est-on sur leur dos, que sans qu'il soit nécessaire de les exciter, ils partent au galop jusqu'à la ville, suivis du saïs qui règle tout le temps sa course pédestre sur la bôtre. C'est une charmante race que celle de ces petits ânes de Syrie. Alertes, vifs, l'œil intelligent, la tête fine, les jambes sèches. Leurs formes élégantes ont aussi peu de rapport avec le tranquille compagnon de nos maraîchers que la race caucasique avec la race nègre. En retournant à la ville sur une de ces gentilles montures, je pris une vue générale de Tripoli des bords de Nahr el-Khadisha, dont l'on découvre parfaitement le fameux château des Croisés, bâti par Raymond de Toulouse. Le lendemain, muni des renseignements et des lettres de recommandation que voulait bien me donner M. B., je me dirigeais vers les cèdres, monté sur un mulet de campagne et accompagné de M. Wood, jeune anglais du comté de York, qui, logé chez un négociant de sa nation, avait appris mon départ et vint m'offrir sa compagnie. Je n'aime pas beaucoup à voyager seul, j'acceptais et je n'eus qu'à me louer de cette rencontre.